Chapitre 12e. Fernand Rocher et le major Cardenne, son témoin, étaient sortis du bal. Le faux vicomte et Sir Williams les attendaient sur la première marche du perron. Alors Rocambole salua de nouveau son adversaire. « Veuillez me permettre, monsieur, lui dit-il, une simple proposition. J'ai mon appartement dans le quartier et dans mon appartement des épées de combat ordinaires. Avez-vous quelque répugnance à vous en servir ? Dans ce cas-là, nous ferons lever de vime ou le page. C'est inutile, répondit Fermant. Nous nous battrons avec vos épées. Bien. Ensuite, je trouve le bois un peu loin. Allons où vous voudrez. Il y a quelques pas d'ici un endroit tout à fait désert, entre la rue Courcelle et la rue de Laborde, une sorte de terrain vague où nous serons à merveille. Soit, dit encore Fernand. Ensuite, monsieur, j'ai là mon phaéton, et comme il est, je crois, parfaitement inutile de mettre des balais dans notre confidence, « je vais envoyer mon groom et je serai, si vous le voulez bien, votre cocher jusqu'au lieu du combat. » Fernand s'inclina. Rocambole ordonna à son groom d'avancer et de ranger son léger équipage au bas du perron. Puis, tandis que le groom, sautant en bas de son siège, prenait la bride du cheval, le lion invita le major et Fernand à monter derrière, pendant que Sir Williams s'asseyait auprès de lui sur le siège de devant. Alors monsieur le vicomte Rocambole rendit la main à son cheval et franchit la grille extérieure de l'hôtel. 5 minutes après, il arrivait au faubourg Saint-Honoré, s'arrêtait à sa porte et passait les rênes à Sir Arthur Collins. « Messieurs, dit-il en sautant en bas de son siège, je vous demande 10 secondes. » Et Rocambole monta chez lui, y prit 2 paires d'épées de combat et redescendit. « Je suis à vos ordres, dit-il. » L'attelage repartit et ne s'arrêta plus qu'à l'entrée de ces terrains vagues connus sous le nom de Plaine Monceau. Là, les 4 voyageurs mirent pied à terre. 3h30 sonnaient dans le lointain à Saint-Philippe-du-Roule. La nuit était claire, la lune brillait au ciel, il faisait un froid sec et vif. « Nous allons nous battre aussi commodément qu'en plein jour, » dit Rocambole à Fernand. « Seulement dépêchons-nous, monsieur, car il fait un froid de loup. » Le major Cardenne et le faux anglais s'étaient emparés des épées et les mesuraient gravement. Les conditions secrètes du vicomte Andrea et de Rocambole étaient que le premier, l'âme, la tête, la pensée incarnée de l'association, demeurait toujours inconnu. Or, si le major Cardenne avait été prévenu par Rocambole que Fernand, provoqué par lui, réclamerait son aide, et que pour provoquer sa demande, il se placerait sur son chemin, il ignorait cependant la cause et le but de ce duel, car Rocambole avait jugé inutile de lui donner la moindre explication. Il ne savait pas davantage ce que pouvait être Sir Arthur Collins. Aussi Sir Arthur jouait-il en conscience avec lui son rôle d'anglais, s'exprimant en un français de fantaisie dont les intonations semblaient intraduisibles pour tout autre gosier qu'un gosier d'outre-Manche. Le chef des valets de cœur était donc tout au plus, aux yeux du major Cardenne, un vulgaire affilié de cette grande association dont il faisait partie lui-même. Sir Arthur mit même une conscience telle à mesurer les épées, à discuter les conditions du combat, et s'indigna si bien contre l'usage du duel, rappelant qu'il n'existait point en Angleterre, que le major se demanda si, au lieu d'être dans le secret de la comédie sanglante qui allait se jouer, Sir Arthur n'était point un Anglais de bonne foi, un convive naïf du marquis Van Hoppe, à qui Rocambole avait demandé de lui servir de témoin. Cependant, le faux insulaire eut le temps de s'approcher de Rocambole, qui venait de mettre habit bas et de lui dire à l'oreille « Souviens-toi bien du coup que je t'ai montré au moins. Je le sais par cœur. Et pas de bêtises, surtout, ne va pas le tuer. Soyez tranquille. » « Monsieur, dit Fernand, s'approchant et prenant son épée des mains de Sir Arthur, je suis de votre avis. Il fait froid, dépêchons-nous. » Les 2 adversaires se placèrent en face l'un de l'autre. Sir Arthur mit les épées bout à bout et prenant son accent le plus guttural. « Oh, allez, messieurs !» Fernand était irrité de l'impertinence constante de son adversaire, plus encore peut-être que de l'insulte qui avait été le premier motif du combat. Aussi n'apportait-il sur le terrain que tout juste assez de sang-froid pour ne point oublier toutes les lois de l'escrime. Rocambole, au contraire, était aussi calme qu'un chirurgien qui s'apprête à faire une opération, et il sifflota un air de la Norma en engageant le fer. Fernand avait reçu l'éducation du jeune homme dont l'entrée dans la vie a eu lieu sous les auspices de la pauvreté. Il avait négligé la salle d'armes pour la salle d'études, le manège pour l'école de droit. La grande fortune que lui avait apporté son mariage l'avait trouvé écuyer novice et tireur médiocre. La façon dont il se mit en garde, on eût pu dire de lui qu'il tenait son épée bien plus avec le cœur qu'avec la main. Rocambole avait mis au service d'une étude patiente une adresse native et une agilité sans égale. Le fils adoptif de la veuve Fipard, en changeant de pelure, qu'on nous passe le mot, le vaurien devenu lion n'avait rien perdu de ses qualités de jeunesse. Il possédait toujours ce merveilleux sang-froid qu'il avait déployé le jour où Léon Roland le tenait sous son genou et lui appuya un couteau sur la poitrine pour le faire parler. Il était toujours souple, adroit, possédait les mêmes nerfs d'acier, et n'avait point oublié, en apprenant l'escrime, l'art de la savate, qu'est la véritable escrime du gamin de Paris. Rocambole apportait donc sur le terrain son agilité de chat-tigre, unie aux savantes leçons du vicomte Andrea, et servie par sa merveilleuse présence d'esprit. Dès sa première passe, il sut à quoi s'en tenir, sur la force de son adversaire, et il n'eut en réalité tenu qu'à lui de tuer Fernand à la seconde riposte. Mais ce n'était là ni ce que voulait Sir Williams, ni ce qu'il avait résolu lui-même. Rocambole avait dit le mot, il voulait pratiquer une opération chirurgicale, et il savait qu'un pouce de fer dans l'épaule ne tue pas, mais procure un évanouissement subit et blesse assez grièvement pour forcer un homme à garder le lit pendant plusieurs jours. Fernand, qui avait achevé de perdre sa dernière parcelle de sang-froid en mettant l'épée à la main, s'était précipité sur son adversaire avec impétuosité, moins soucieux de défendre sa propre vie que de tuer Rocambole. Rocambole, au contraire, semblait être dans une salle d'armes et prendre un plaisir extrême à ce jeu cruel sans danger pour lui. Les deux témoins placés à distance demeuraient impassibles. Le major, un homme habitué à de tels spectacles, le baronet Sir Williams, un amateur passionné, en véritable excentrique enthousiasmé de toutes sortes de luttes, depuis le combat de coq jusqu'à la boxe anglaise. Pendant quelques secondes, l'impétuosité pleine de fureur avec laquelle Fernand Rocher chercha vainement le chemin de la poitrine du faux gentilhomme suédois ne permit point à celui-ci d'essayer le coup mystérieux qu'il tenait de la science de son maître. Rocambole se contenta de part et de rompre, lassant ainsi peu à peu son adversaire, attendant le moment propice. À mesure qu'il reconnaissait la supériorité du jeu de Rocambole, Fernand, au contraire, achevait d'oublier le peu d'escrime qu'il savait, et bientôt son bras commença à mollir, son attaque fut moins vive, sa riposte plus lente. Il n'avança plus avec la même vigueur. C'était l'instant qu'attendait Rocambole, et tout à coup, rompant avec vivacité, il leva verticalement son arme. Celle de Fernand, ne froissant plus le fer, n'ayant plus ce qu'on nomme le sentiment de l'épée, tâtonna une seconde dans le vide et s'abaissa. Fernand, frappé d'une irrésolution subite, venait de se découvrir. Alors, rapide comme la foudre, l'épée de Rocambole siffla comme un reptile, s'allongea par un coup droit et sa pointe disparut dans l'épaule de Fernand, qui tomba presque sur le champ. « Enfin, » murmura Sir Williams, « pourvu toutefois qu'il ne l'ait point tué. C'est mieux que sa vie qu'il me faut. »